Salut Blockbuster, merci pour une émission super que vous avez fait sur Pratchett. Vous avez très bien survolé les 1% de cette œuvre, c'était génial pourtant. Et vous n'avez pas parlé des jeux de société et le jeu de plateau, le Disque Monde est fabuleux. Voilà, je voulais que ce soit dit sur France Inter et j'espère que vous passerez mon message. Bravo à vous. Le chaos l'emporte toujours sur l'ordre, car le chaos est beaucoup mieux organisé. Bonsoir Blockbuster, bah, en fait encore un sujet, enfin vous êtes encore hors sujet aujourd'hui, on a peut-être écrit des bouquins mais vous avez passé toute l'émission à parler de ça, vous n'avez même pas parlé de Desperate Housewives ou Lois et Clark, alors les soi-disant experts, hein. Salut, je vous appelle car j'ai appris que c'était le tour enfin de Big Bang Theory que j'ai fini il n'y a pas longtemps parce que j'avais peur de finir. Je dois avouer que je suis peut-être tombée amoureuse de pays entre-temps et j'ai l'impression qu'ils font tous partie de ma famille, ce qui est un peu bizarre. Ouais, bonjour Blockbuster. Donc ce soir, c'est Big Bang Theory. En fait, je crois que j'ai fait une analyse un peu pointue. Blockbuster, en fait, c'est le Big Bang Theory français. Il y a 4 personnages qui dégoisent sur un sujet geek, pop, voilà. Blockbuster, c'est le Big Bang Theory français. Allez, des bisous! To be or not to be, not to be. C'est sûrement une des premières fois dans l'histoire de l'humanité où on autorise les adultes à garder aussi longtemps leur goût d'enfant. Alors certains s'en désolent, mais à 40 ans, moi je trouve ça sympa. Tu peux continuer de jouer à Zelda et Street Fighter exactement comme quand t'avais 12 ans. Tu peux continuer de sortir de chez toi avec un t-shirt Batman. En plus, t'es tranquille, ils les font jusqu'en triple XL. Être geek et parent, ça crée quelque chose de particulier. Par exemple, quand on rentre dans une pièce de la maison et que l'on tombe sur des tonnes de Lego, des figurines Funky Pop ou des bibliothèques pleines de BD, il faut désormais demander « à qui c'est tout ça ?» Alors, généralement, la petite fille à ma petite fille qui dit « Les Lego, c'est à papa, les figurines, c'est à maman, les BD, c'est aux deux, et moi, j'ai ce jouet de construction, mes Touchsteiner en bois véritable là-bas derrière les consoles de mes parents. » Chez moi, à table avec mon fils, il est pas rare que ma compagne nous demande de ne pas parler du manga One Piece, par exemple, pendant le repas tellement on la saoule. On lit le chapitre de la semaine et ensuite on échafaude des théories, on parle de ce qui nous a plu ou non. Ça peut durer des heures. Et des fois, je me demande vraiment si on a fait des enfants ou si on s'est pas fabriqué des amis. Mais finalement, je me dis que c'est aussi à ça qu'on mesure le degré de confort d'une société, sa capacité à autoriser les adultes à rester en partie les enfants qu'ils étaient. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Penny. Penny. Penny. What? Bazinga. En 2007, Chuck Lorre, déjà responsable du sitcom Mon Oncle Charlie avec Charlie Sheen, lance une série qui sera à bien des égards considérée comme la digne héritière de Friends, Big Bang Theory. Sur 12 saisons, le public suivra les tribulations drôlatiques de ce groupe de nerds et de leurs amis, avec en tête le charismatique et singulier Sheldon Cooper, joué par Jim Parsons. Pour revenir sur ce sitcom culte des années 2000, j'ai à mes côtés Delphine de Freitas, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste culture et spécialiste des séries pour la chaîne de télévision LCI, également critique de cinéma. On va dire ça comme ça, critique pas tout à fait, mais presque. Presque. Vous critiquez un peu, mais pas trop méchamment. Voilà. Avec nous également Jean-Philippe Usan, bonjour. Bonjour. Vous êtes cosmologiste et astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la gravitation et de la relativité générale. Vous êtes l'auteur entre autres de Big Bang, comprendre l'univers depuis ici et maintenant, publié en 2018 chez Flammarion, ouvrage pour lequel vous avez remporté le prix Ciel et Espace 2019 du livre d'astronomie. Et enfin, les auditeurs de Radio France vous connaissent déjà puisqu'on peut vous entendre régulièrement chez nos collègues de la très bonne émission La méthode scientifique sur France Culture. Tout à fait. Avec nous, et on est ravis de le recevoir, Sylvain Trinel, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Séries. Vous participez d'ailleurs à de nombreux épisodes du podcast Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS. En parallèle, vous êtes spécialiste jeux vidéo et vous êtes community manager, oh là là. Attention. Attention. Pour jeuxvideo.com, autant dire que vous avez du travail, l'actu jeux vidéo et geek. Exactement. Ouais. Ensemble, on va revenir sur la création de Big Bang Theory, la singularité de cette série, comment les scénaristes ont réussi à rendre le monde de la science et de la culture geek abordable aux néophytes. On parlera de la manière dont la série a évolué pour laisser plus de place aux personnages féminins et à leur représentation. On évoquera aussi les polémiques liées à la série. En attendant, allez, Big Bang Theory, c'est parti. Yes. I'm Leonard Hofstadter. I called you about the apartment. Je suis Leonard Hofstadter. J'ai appelé pour l'appart et vous m'avez dit. Je sais ce que j'ai dit. Ce que vous avez dit et ce qu'a dit ma mère le 5 mars 1992. What is the sixth noble gas? Au fait, quel est le sixième gaz noble? What? Pardon? You said you're a scientist. Vous avez dit que vous étiez un scientifique. Je répète, quel est le sixième gaz noble? Radon? Le radon? Are you asking me or telling me? C'est une affirmation ou une question? Telling you? Affirmation? Telling you. Ah, affirmation. All right. Très bien. Next question. Question suivante. Kirk ou Picard? Oh, ça, c'est une question piège. À mes yeux, la série originale bat la nouvelle génération. En revanche, Picard bat Kirk. Correct. Correct. You've passed the first barrier to roommatehood. Le premier obstacle a été franchi avec succès. You may enter. Vous pouvez entrer. Delphine de Vretas, comment est né Big Bang Theory? Ah, Big Bang Theory, c'est né dans l'idée de Chuck Lorre. Il raconte qu'il a eu l'idée dans sa cuisine. Il discutait avec Bill Prady. En fait, Bill Prady lui a raconté sa vie avec quand il bossait dans l'informatique à New York. Et il a parlé de ses collègues un peu geeks, très doués dans ce qu'ils faisaient, mais foncièrement mauvais dans tout ce qui est le reste de la vie, c'est-à-dire les relations humaines. Et il s'est dit... Ça, c'est un sujet de série, c'est absolument ça qu'il faut faire. Et je crois que c'est à peu près ce qu'on voit dans la série. Une bande de quatre garçons très doués dans leur domaine scientifique et déplorables dans leurs relations sociales. Et alors Chuck Lorre n'était pas un débutant dans le royaume des sitcoms ? Alors Chuck Lorre, juste avant, vous l'avez dit, il a signé Mon Oncle Charlie avec Charlie Sheen. Il a aussi travaillé sur Roseanne, grosse sitcom US qui a pas eu de succès trop en France, il me semble. Alors, si, quand même, elle est passée à M6, je crois, ou c'était M6 ou la 5, mais moi, je sais que j'ai passé beaucoup de midi devant, et d'ailleurs, il y a énormément d'acteurs et d'intervenants de Big Bang Theory qui sont issus de Roseanne. Par exemple, Léonard jouait le petit ami de la fille de Roseanne, et qui interprétait... Sarah Gilbert, qui joue Leslie Cripple. Voilà, la boucle est bouclée. Et alors, donc on voit que Chuck Lorre avait déjà travaillé sur des séries à succès aux États-Unis. Et finalement, est-ce que ça a tout de suite pris aux États-Unis? Parce qu'on part quand même sur quatre nerds qui parlent de science, qui parlent de culture geek, et je parle d'expérience. Quand on présente ça à des médias généralistes, ils ont tendance à dire est-ce que c'est pas un petit peu trop de niche? Bah, même les médias spécialisés au début, si vous regardez les premières critiques qui ont été faites de la série, c'est une catastrophe. Personne voulait de cette série. Et pourquoi ça a pris? Sans doute parce que le public a beaucoup rigolé devant cette série. Mais au départ, la critique a été catastrophique et la série, on en parlera par la suite, a continué à être critiquée tout au long des 12 saisons qu'elle a duré. Oui, c'est-à-dire que même si le succès est devenu évident, les gens ont continué de lui ôter son côté abordable en disant non, mais c'est quand même des blagues de niche, ça nous parle pas du tout. Voilà, alors qu'au final, ça parle. Je pense que je suis un bon exemple de ça parce que moi, la science, c'est pas du tout mon truc, mais alors pas du tout. Et pourtant, je les ai suivis pendant 12 ans avec plaisir en comprenant la moitié de ce qu'ils se disaient. Mais ça m'a pas empêché du tout de suivre avec bonheur ces quatre garçons. Jean-Philippe Puzan, comment avez-vous découvert Big Bang Theory et en tant que scientifique, quel a été votre point de vue? Alors moi, je l'ai découvert assez tard, c'était je crois en 2012, et c'est un de mes étudiants en thèse qui m'a passé les DVD pour me dire « faut que tu regardes ça ». Donc j'ai dû regarder les 3 ou 4 premières saisons d'un seul coup. Moi, je suis pas très série, les trucs qui durent longtemps, donc moi, je me concentre sur quelque chose. Donc j'ai vu les 4 premières saisons, et c'est vrai que ça m'avait fait assez rire, parce qu'il y avait ce détournement, en fait, l'utilisation du jargon, voir comment, en fait, ça fait, c'est un peu comme Canada Dry, quoi, ça fait science, mais en fait, quelque part, c'est complètement vide. Et c'est ça que je trouvais très intéressant, l'œil du professionnel, on va dire, sur la série. Et puis après, le côté, moi, j'ai trouvé le plus intéressant, c'est le côté psychologique, finalement. Parce que là, il y a pas mal de stéréotypes sur certains traits de caractère. Mais en fait, on a quatre geeks qui représentent aucun chercheur en tant que tel. C'est-à-dire que c'est vraiment un fruit de fiction et d'imagination. Donc je trouve que ça, c'est bien mené. Après, j'ai vu quelques épisodes des saisons quoi, plus avancées. Et là, j'ai un peu moins ri. Je trouvais que ça s'était un petit peu émoussé, qu'ils avaient perdu un petit peu leur mordant qu'il y avait dans les premières saisons. Sylvain Trinel, quand vous avez découvert Big Bang Theory, quelle a été votre première réaction ? Eh ben, au début, j'ai pas vraiment rigolé. En fait, la série, dans sa toute première saison, elle est finalement très classique. En fait, dans son fonctionnement, c'est une sitcom qui fonctionne, mais qui n'offre pas quelque chose de fondamentalement inédit. Les blagues sont assez basiques. On n'est pas encore dans le running gag comme certaines sitcoms, comme Friends, comme Une Nuit d'enfer ou ce genre de série. Donc la première saison, j'étais un petit peu, je me disais, mais ça m'a fait rire, mais je me demandais si vraiment ils allaient pouvoir dépasser le stade de un gag toutes les minutes, histoire de passer les 22 minutes de chaque épisode. À partir de la saison 2, là la série elle est devenue beaucoup plus construite, beaucoup plus solide, et on a commencé effectivement à beaucoup plus s'attacher aux personnages. Mais le public américain, il au tout début, ça a pas été le succès que ça a été bien plus tard. Au début, la série, elle arrive dans un paysage audiovisuel où CBS a besoin de rajeunir son audience et où clairement, il y a vraiment ce besoin de proposer une sitcom très jeune. On le voit dans le sujet de la série. Et les audiences n'étaient pas exceptionnelles. C'est vraiment à partir de la saison 3 où là, effectivement, ça devient l'énorme hit que ça a été pendant 4 ou 5 saisons. Et est-ce qu'il y a un événement en particulier qui a créé ce virage dans la popularité de la série ? Alors ça, très bonne question. Honnêtement, moi, des souvenirs que j'ai des premières saisons, j'ai pas ce souvenir, voilà, d'un énorme événement qui fait que les gens se sont rassemblés. Et c'est petit à petit, en fait. Voilà, c'est vraiment petit très progressif. Le bouche à oreille. C'est typiquement, voilà, le succès qui a été créé grâce au bouche à oreille, grâce aux fans qui ont fait énormément pour le renouvellement de la série et surtout la jeunesse de téléspectateurs qui a permis à CBS du coup de la renouveler. Jusqu'à 4 saisons, je crois, à un moment donné, à partir de la saison 5. Et je vous pose la question à tous les trois, les communautés nerds, geeks, donc les passionnés d'informatique, ou des gens qui vont collectionner compulsivement jeux vidéo, jeux de rôle, etc. On le sait, ont souvent ce besoin de reconnaissance, mais une fois que la reconnaissance arrive, ils ont ce besoin de dire « Non, c'était à nous, on veut redevenir underground ». Donc, comment ces geeks et ces nerds ont reçu le portrait qui était fait d'eux initialement, à la fois chez les scientifiques et à la fois chez les geeks. Alors là, pour le coup, je ne sais pas. je préfère dire que je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu un vrai... Au début, en tout cas, les geeks, ils voyaient surtout les clichés forcément qui étaient véhiculés par la série. Donc forcément, les clichés n'étaient pas très reluisants, on va dire ça comme ça. Dire qu'il y a une longue tradition. Hein, on pense au comic book guy dans Les Simpsons, le vendeur de comics comme ça. Mais en même temps, quand on lit des comics... Ça va peut-être les vexer, mais on en connaît des comme ça aussi. Il y en a pas beaucoup en France qui lisent des comics, mais il y en a, et effectivement, généralement, bon, ils sont pas très loin des clichés qu'on véhicule sur eux, mais j'en suis un, donc je pense que globalement, je peux témoigner, mais je pense qu'au début, en tout cas, il y a eu un noyau de fans très dur, et qui comprenait, en fait, cet humour sur le cliché. Et en fait, au fur et à mesure que la série est devenue de plus en plus grand public, elle s'est lissée au niveau de son propos, on en parlera un peu plus tard, et donc, en fait, elle est aller au-delà de ces vannes faciles sur les geeks. Et je pense que c'est ça qui a contribué au succès de la série. Ensemble, on va revenir sur la création donc de Big Bang Theory, sur son développement, etc. Mais on va continuer de parler de tout ça avec la journaliste Delphine de Freitas, l'astrophysicien Jean-Philippe Usan et le critique série Sylvain Trinel. Mais pour le moment, on écoute le générique de Big Bang Theory, interprété par le groupe Bare Naked Ladies. State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song, a fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate, they tried to leap but they were late and they all died. They broke their asses off the oceans in Pangaea, see a wooden monopoeia set in motion by the same big bang. It all started with a big bang. It's expanding ever outward, but one day it will think this would really happen. Sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. Les Bare Naked Ladies qui pour la première fois vont pouvoir toucher des droits d'auteur pour la chanson en entier dans Blockbuster sur France Inter. Penny. Ah, Penny. Oui. That's where I sit. Là, c'est là où je m'assois. Mettez-vous à côté de moi. No, I sit there. Non, je veux m'asseoir là. Qu'est-ce que ça change? What's the difference? Qu'est-ce que ça change? C'est reparti. In the winter, that seat is... En hiver, cette place est suffisamment proche du radiateur. Du coup, elle est bien chaude, sans causer pour autant un phénomène de transpiration. Et en été, c'est pratique, parce qu'elle est dans l'axe d'une petite brise provoquée par l'ouverture de nos fenêtres. Elle est en face de la télévision sans être tout à fait à angle droit, ce qui décourage la conversation. Mais ça ne cause pas d'erreur de parallaxe. Je pourrais continuer longtemps, mais... I think I've made my point. Je crois que je me suis fait comprendre. Do you want me to move? Vous voulez que je bouge? Well, just sit somewhere else. Eh bien, va t'asseoir ailleurs. Fine. Venez d'entendre les comédiens de doublage français, notamment Fabrice Farah qui double Sheldon, Fabrice Josseau qui double Léonard et Laura Préjean qui double Penny. On va maintenant retrouver une voix que les auditeurs de France Inter connaissent très très bien, hein, bien-être physique ou mental. C'est un peu le maître Yoda de la station. Ali Rebbi, bonjour. Bonjour Frédéric, comment ça va? Vous me dérangez pendant que j'écoute mon émission préférée de l'été. Oui, oui, bah, vous savez en fait, non mais je vous ai appelé, c'est à dessein parce qu'il y a un animateur avec qui je m'entends très très bien, qui m'a dit « Oh, il faut à tout prix faire un blockbuster sur Big Bang Theory !» Et quand je le fais, ben, il est en vacances. Donc on l'appelle quand il est en vacances. Ça va sinon Bah écoutez, moi je suis un grand fan de cette Big Bang Theory que j'ai vraiment redécouvert pendant le confinement. Vous savez, pendant cette période de couvre-feu à 18h, on pouvait pas voir ses amis. Mes amis ont été pendant cette période-là les personnages de The Big Bang Theory qui ont agi comme une thérapie face à l'absence de mes vrais amis. Et alors, je sais que vous avez un œil assez pointu sur les séries que vous regardez, parce que voilà, vous n'êtes pas un public facile, je le sais. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit dans la construction de Big Bang Theory? Alors moi, je suis pas un nerd comme l'une de vos invités le disait tout à l'heure. Moi, je suis un spectateur lambda. Et c'est un univers qui, a priori, n'est pas totalement le mien, contrairement à vous, Frédéric. Mais ce que j'aime vraiment, c'est la bande d'amis, les différents types de personnages, que ce soit évidemment Howard, Sheldon Cooper, et puis Raj aussi, qui est souvent sous-estimé. Moi, c'est vraiment cette amitié-là et puis les ressorts psychologiques liés à cette amitié qui me passionne. Et en particulier Sheldon Cooper, vous le disiez dans votre introduction, vous parliez d'enfance, et ce que j'aime particulièrement chez Sheldon, c'est l'enfant qu'il est resté. C'est cette capacité à dire la vérité, à dire tout ce qu'il pense, tout ce que nous on rêve de dire parfois à nos amis, mais que nous ne faisons pas. Et lui, il se permet de le faire avec un humour absolument incroyable. Et puis moi, c'est les différents niveaux de lecture, notamment, moi ce que j'adore, c'est notamment la partie entre guillemets crypto-gay entre le personnage de Raj et celui de Ward, qui est une scène qui est absolument hilarante. Dans un épisode, il y a Raj et Howard qui se tâtent mutuellement les pectoraux, et c'est absolument génial. Mais voilà, c'est les différentes couches d'humour. On peut pas dire que c'est un humour uniquement de geek. Il y a un humour à la fois juif avec Howard et le rapport avec sa mère qu'on ne voit jamais, qui est absolument extraordinaire. Oui, qui est juste une voix tonitruante qui vient de la chambre. Qui est une voix absolument incroyable. On voit pas cette grosse dame qui gueule sans arrêt sur Howard. Et l'humour un peu parfois anglo-saxon de Sheldon Cooper. Il y a aussi du Louis de Funès chez Sheldon. Il y a une vis comica qui est absolument extraordinaire. Moi, c'est ce que j'aime, c'est cette richesse. Et puis, ces niveaux de lecture. Quand on a un geek, on trouve des références absolument passionnantes. Si on l'est pas, on s'attache à la psychologie des personnages. Enfin voilà, c'est ce que j'aime dans cette série qui m'a bien aidé pendant les confinements et les couvre-feux à 18h, avec le plaisir de retrouver ses amis régulièrement. Eh bien, merci Ali d'avoir pris le temps de nous expliquer pourquoi vous aimiez Big Bang Theory. On vous retrouve à la rentrée tous les jours de 10h à 11h pour une nouvelle saison de Grand Bien vous fasse. Et moi, je vous écoute tout l'été. Eh bien, voilà, échange de bons procédés. Bonnes vacances, Ali. Merci, à bientôt. À bientôt. Alors, effectivement, comme le disait Ali, y a cette idée que Sheldon, qui est quand même l'axis mundi de cette série, est un personnage qui refuse de grandir. Et c'est vrai que ça, il a envie de cristalliser même son cercle d'amis dans quelque chose qui ne bouge pas et qui reste très figé aussi. On sent ça un petit peu. Oui, on sent ça tout à fait. Alors que, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait, c'est vrai que quand on regarde un peu les stéréotypes des scientifiques, on voit que c'est toujours un petit peu... Alors, il y a soit les scientifiques sombres hein, qui font peur, qui font des choses, mais quand on essaie de les mettre de façon comique, moi, quand je regarde un peu les mimiques de Cooper, de Sheldon Cooper, quand il veut s'asseoir et tout ça, on voit très bien du Jerry Lewis oui. Dans Dr. Jerry and Mr. Love. Quand il est dans ses idées, on retrouve un petit peu du Alec Guinness de L'Homme au complet blanc, par exemple, ou du Cary Grant de Monkey Business. Donc en fait, c'est des choses qui préexistaient déjà et qu'ils ont en fait concentré sur ces quatre personnages et quelque part pour en faire des scientifiques un petit peu complètement stéréotypés, mythifiés. En fait, on n'en rencontrera jamais à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a quelques traits de caractère qui sont vraiment bien vus. C'est-à-dire que il est vrai que quand vous travaillez, parfois, ben, en fait, il n'y a pas de notion de week-end ou de vacances. C'est-à-dire si vous êtes sur une idée, vous avez envie vous pouvez pas vous arrêter. Donc de faire des petits calculs ou sur son tableau alors qu'on est en famille et qu'on a ses enfants, bah ça arrive. Les idées, elles viennent pas toujours quand vous êtes pendant les heures de bureau. Et puis parfois, il y a voilà. Donc ces choses-là, en fait, qui peuvent s'immiscer dans la vie. Ça c'est plutôt bien vu. Le jargon est plutôt bien utilisé. Je trouve que ça, ils se sont bien documentés. Oui, il y avait des scientifiques sur le tournage qui vérifiaient la validité. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on voit dans le décor, en fait, c'est-à-dire par où rentre la science. On a cette lunette astronomique qui est là. On a un tableau blanc qui est avec des formules qui sont, qui se disent être vérifiées et toutes correctes. Si vous avez vu un vrai tableau de chercheurs, ils sont pas aussi propres que ça, donc ça c'est assez... et surtout, c'est des tableaux noirs à craie, c'est pas des tableaux blancs. Mais quoi qu'il en soit, il y a toute cette iconographie. Et en fait, après, par moment, on a l'impression, et c'était le petit extrait que vous avez montré au début, qu'on est dans une sorte de jeu de télévision de connaissances. C'est quoi le sixième élément? Ils ont ce rideau de douche avec le tableau de Mendeleïev. Et en fait, c'est comme si la connaissance, toute cette connaissance scientifique était d'abord un jeu où le il fallait répondre des questions qui sont vraies, faux, ou le meilleur, le moins bien, ou qui a joué dans telle série. Et donc, ils ont ce côté très ludique, très enfant. En fait, je crois que c'est un petit peu... Ils ont voulu faire des scientifiques qui étaient restés quelque part fossilisés au moment où ils ont découvert la recherche, au moment où ils se sont enthousiasmés, donc les conserver dans ce côté enfant. Et ça, je peux le comprendre, parce que c'est vrai qu'un des traits de caractère de l'enfant, c'est la curiosité. Et c'est peut-être le trait de caractère du scientifique qu'il faut garder. En fait, il faudrait une école qui nous donne des connaissances, mais qui nous permet pas d'ôter la curiosité des gens qui passent par l'école, parce que cette notion de dire je vais toujours essayer de savoir pourquoi, je vais avoir des débats, je vais reconstruire des univers, c'est ce qu'on fait tous les jours en tant que scientifique. Et ça, c'est plutôt bien vu, cet aspect-là. Alors Benjamin Ducy, qui depuis la fin du confinement passe sa vie dehors, en a profité pour interroger les gens sur ce qu'ils pensaient de Big Bang Theory. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Big Bang Theory fait partie des séries qui comptent des fans à tous les coins de rue. Penny, tu viens ? Oh. Bah, une de mes séries préférées. Je pense que c'est une de mes séries aussi favorites, peut-être même la favorite. C'est une très bonne série, ouais, j'ai adoré, je l'ai maté plusieurs fois. C'est une série super originale, inattendue. Et pour les amateurs de la sitcom, regarder un épisode, c'est clairement un refuge, un moment à part où on se retrouve avec des personnages avec lesquels on est devenu amis avec le temps. Attends, t'es en train de dire qu'on est comme... Des sujets atypiques, des personnages hyper originaux et ouais, c'est drôle, c'est sans prise de tête, non, c'est une bonne série. Oui, détente, on est sûr de rigoler avec tous les personnages, autant les filles que les garçons, donc ouais, un bon moment détente. Et tu crois pas qu'on devrait se mêler de nos affaires? Parfois j'ai l'impression que tu me connais pas du tout. Bah, c'est une série qui aborde la pop culture d'une façon un peu amusante, avec des personnages atypiques. On prend un peu l'esprit Friends, avec les mêmes personnages dans le même un peu environnement tout le temps. Alors dans Friends, on avait Phoebe, dans Seinfeld, on avait Kramer, c'était Barney dans How I Met Your Mother, et pour Big Bang Theory, c'est bien évidemment aussi le personnage socialement inadapté qui est tout de suite au centre des discussions. Le caractère de Sheldon, parce que je trouve qu'il est très... pourrait dire. Il est hors du monde. Va sur Mars, Sheldon. Il est mythique, ce personnage. Il est attachant et en même temps, on le déteste. Je pense que Sheldon est vraiment le point commun à tous. D'ailleurs, je crois bien que c'est ça dans la série. Mais pour certains, le cœur de The Big Bang Theory ne se situe pas tellement dans tel ou tel personnage. Il est plutôt dans l'espace qui se situe entre eux, au sein même de ce rapprochement qu'on voit s'opérer au long des 12 saisons. Quand on n'est pas geek, on peut avoir des potes qui s'intéressent, enfin voilà, qui sont geeks eux, et effectivement d'être un peu en décalage, mais de petit à petit s'y mettre. Car Big Bang Theory, c'est peut-être un peu plus qu'une simple sitcom. Oui, c'est une comédie, c'est un drame, personne ne sait. The Big Bang Theory est peut-être tout simplement là pour nous dire que oui, l'apprivoisement mutuel est possible entre les geeks et ceux qui, sans le savoir, ne demandent qu'à le devenir. Sylvain Trinel, est-ce que vous souscrivez à cette analyse ? C'est beau comme... Elle est belle cette analyse. Oui, totalement. Je pense que Big Bang Theory, à sa manière, a réussi à réconcilier deux mondes qui, au début de la série, ne peuvent pas se rassembler. Parce que justement, ils ont réussi à accorder à la fois donc le monde scientifique avec la pop culture, donc énormément de références aux jeux vidéo, aux séries télé, aux films, avec surtout de la présence de guest stars de luxe. C'est aussi ça qui fait que c'est responsable du succès de la série. Et donc de ce côté-là, je pense que vraiment la série a réussi ça. Et c'est probablement la plus grande des qualités de The Big Bang Theory. Ouais. Et il y a l'interprétation de Jim Parsons, Sheldon, qui est quand même exemplaire. C'est-à-dire, au-delà même du sitcom, on a un comédien, parce que, spoiler pour les auditeurs et les spectateurs, Jim Parsons n'est pas comme ça dans la vie. En théorie. En théorie, mais techniquement, je l'ai vu en interview et tout ça, il est quand même assez différent. Et c'est phénoménal ce qu'il a créé avec le personnage de Sheldon, Delphine de Freitas. Il a vraiment créé, voilà. Un personnage, je veux dire un monstre de télé, Sheldon Cooper. Je pense que même quand on regarde pas The Big Bang Theory, on sait qui c'est. Cette espèce de grand dadais avec ses t-shirts courts sur ses t-shirts à manches longues. Qui a une sorte de paralysie de la nuque. Voilà, qui bouge jamais, qui est bourré de toc, qui a besoin de toquer trois fois chez sa voisine, qui a sa place réservée sur son canapé. Et Jim Parsons insuffle vraiment quelque chose de différent. C'est celui qui a été le plus récompensé parmi tous les gens du cast. Il a eu 4 Emmy Awards et un Golden Globe. Et sans lui, pas de série. Et quand Jim Parsons a décidé d'arrêter The Big Bang Theory, eh bien, The Big Bang Theory s'est arrêté. Alors, ça s'est arrêté, mais les producteurs étant ce qu'ils sont, ils ont trouvé la parade avec Young Sheldon. Oui, ça, c'était une idée de Jim Parsons qui en a parlé du coup avec Chuck Lorre, parce que le personnage de Sheldon, vraiment, il parle tout le temps de sa Mima, sa grand-mère. Sa mère vient lui rendre visite régulièrement. Sa sœur jumelle est venue lui rendre visite. Sa mère, qui dans la série est jouée par la sœur de Roseanne dans l'autre. Voilà, elle jouait la sœur de Roseanne. Par Laurie Metcalf. Et qui donc, petite anecdote, c'est que Laurie Metcalf est la mère de l'actrice qui incarne la mère de Young Sheldon. Dans la série Young Sheldon. Donc vraiment, les producteurs ont été très très loin. Donc si vous trouvez un air de ressemblance entre les deux actrices, c'est normal. L'une est la mère, l'autre est la fille. Et vraiment, Young Sheldon, ils ont fabriqué. Moi, j'ai vu que la première saison. Mais si vous aimez le personnage de Sheldon, plongez-vous dans Young Sheldon parce que on comprend beaucoup de choses sur ce personnage. Comment ce petit garçon de 9 ans rentre déjà au lycée. Et l'acteur est comme Jim Parsons, Ian Armitage, il est formidable. Et j'en ai parlé avec des amis avant, en préparant cette émission, et beaucoup m'ont même dit qu'ils préféraient Young Sheldon à Big Bang Theory, dans le sens où, comme Sheldon n'était pas fini et qu'on le voit se constituer et qu'on est plus dans un univers dit de normalité, ça leur donnait beaucoup plus de portes d'entrée. Oui, c'est un univers totalement différent. On est au Texas, dans sa famille. Donc, on voit sa grand-mère qu'on a vue plus vieille dans The Big Bang Theory. On voit son père qu'on ne voit pas dans The Big Bang Theory parce qu'on sait que le père de Sheldon est décédé. Donc, ça, c'est un des éléments clés aussi de Young Sheldon. La question, c'est quand est-ce que le père de Sheldon va décéder et l'impact que ça va avoir sur la constitution de Sheldon en tant qu'adulte ensuite. On va faire une courte pause musicale avec celle qui a pour fantasme de devenir masseuse de bébés animaux. Oui, on écoute Bonnie Banane avec Cha-Cha-Cha. Cette émission est réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Manon Rax et Cyril Marchand avec l'aide de notre stagiaire réalisation Véronique Ameyer. Et aujourd'hui à la technique, Clément Vuillet et au mixage, François Saint-Jour. Appelle-toi, appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. La température a grimpé. Quand tu m'as accompagné. Soudain j'ai trouvé une idée. Pour cacher ma timidité. C'était qu'une simple démonstration. J'étais prêt à l'essai. Juste une façon de faire diversion. Avant que ça dégénère. Appelle-toi, appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, je suis essoufflé et je sue. Ça n'est qu'une simple démonstration. Je te prends à l'essai. Histoire de capter ton attention. Au lieu que tu t'énerves. T'énerves pas. Boum boum patatra. Mais t'es plus fort que ça. Tu retombes sur tes pattes comme un chat. Chapeau pas. Tcha tcha tcha. Approche-toi. Tcha tcha tcha. Fais comme moi. Tcha tcha tcha. Un, deux, trois. Tcha tcha tcha. C'était Bonnie Banane avec Cha Cha Cha dans Blockbuster. Blockbuster, Frédéric Sigrist. I am your father. Sur France Inter. Alors, l'humour, vous savez, ça reste quelque chose de très personnel. Hein, c'est singulier, tout le monde n'a pas le même, tout le monde n'en a pas. Et Big Bang Theory, eh ben, y a des gens, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Dans cette série, tous les personnages féminins récurrents ont été introduits dans le but d'être le love interest de l'un des personnages principaux. Ce qui fait donc de cette série une série sexiste. L'ensemble de cette série repose sur des gros clichés bien dégueulasses sur les geeks, la virilité, les femmes, les ados, même les indiens. Mais la série va pas démonter les clichés ou même jouer avec. Non, elle va juste balancer des clichés puis dire c'est marrant parce que c'est vrai. Et tout ce que ça fait, c'est alimenter des vieux clichés qui auraient pu disparaître tranquillement si on ne les rabâchait pas en permanence. C'est une série racoleuse sur les geeks. On les a fait minables, puceaux et pathétiques. Attends, les personnages sont tous des gros clichés et stéréotypés. Ils font toujours des blagues mal branlées. C'est drôle parce que c'est vrai. Ils font des références à Star Trek et à Doctor Who. Ça fait une série pas drôle du tout. Non ! Un mauvais moment à penser. Quand les critiques sont aussi joliment formulées, ça devient une autre forme d'art. Sylvain Trinel, est-ce que il y a une part de vrai dans ces critiques ? Oui, oui, en tout cas sur les premières saisons, le The Big Bang Theory, ça, au tout début, oui, ça jouait beaucoup, beaucoup énormément sur les clichés, et c'est effectivement une série qui reste effectivement sexiste sur sa base. Après, au fur et à mesure que son succès s'est confirmé, notamment à l'étranger, je pense que CBS a pas mal appuyé sur la pédale pour calmer le jeu, et on le constate de toute façon, hein, sur les dernières saisons, et même à partir de la cinquième ou sixième, la série devient beaucoup, beaucoup plus lisse et ne s'autorise plus autant de vannes sexistes, racistes ou sur les juifs. pour parler de ce qu'on disait tout à l'heure. De Ward et sa mère. C'est ça, Ward et sa mère. Donc, on est vraiment beaucoup moins sur ce ressort humoristique qui peut faire de la peine effectivement à certaines personnes. La série est devenue effectivement mainstream, là où au début la série se moquait justement des autres séries mainstream, de Star Trek, etc. Donc ouais, je pense que oui, il y a certaines critiques, même si je ne devrais peut-être pas formuler comme ça, sont parfaitement vraies. Ouais. Jean-Philippe Usan, est-ce que vous avez ressenti ça aussi en découvrant cette série, cette dimension peut-être un petit peu sarcastique, raciste sur certains trucs, misogyne? Oui, c'est vrai. Après, peut-être, comme je suis plus âgé, on a vu, on entendait tout à l'heure Louis de Funès, tout ça, donc il y avait des choses. On sait qu'on peut faire de l'humour avec beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a plus choqué, c'était la situation de départ. C'est vrai que, voilà, on parlait du personnage de Penny, et c'est vrai. Oui. Voilà, elle joue dans un... Mais quand même, ce qui m'a surpris, et je trouve que le film n'a pas été assez tiré, c'est dans la première saison, dès qu'on voit Leslie Winkle, en fait. Pour moi, c'était elle passe dans le restaurant, et en fait, Penny la regarde en se disant, c'est possible d'être comme eux en étant femme. Et puis, on voit qu'en fait, elle est beaucoup plus fine que Sheldon, elle est presque plus intelligente que lui. Et en fait, elle, c'est une femme. Et en fait, ce personnage-là, à mon avis, aurait... Ah ben elle mériterait presque une série à part entière, parce qu'en plus elle a une sexualité, c'est-à-dire que exactement elle a envie, couchons ensemble parce que j'ai un besoin, elle l'apprend en main, et maintenant tu dégages. C'est ça. Elle la prend en main, elle assume tout ce qu'elle fait, et en fait je trouve que c'était le personnage qui contrebalançait dès le départ en fait le personnage un peu potiche de Penny, même si ensuite il va évoluer, parce qu'on se rend bien compte que s'il y avait pas Penny, ils seraient restés les quatre à jouer au jeu de rôle, faire leur truc d'ordinateur et leurs petits calculs. Ça aurait pas mené bien loin, ils auraient tourné en... Donc il fallait qu'il y ait un perturbateur, il fallait qu'il y ait un catalyseur pour que la situation arrive. Et puis ensuite, je me suis dit que quand on regarde la série par l'œil de Penny, en fait, on pourrait être presque comme un ethnologue qui arrive dans une tribu d'Amazonie. Et en fait, on est là. C'est-à-dire que Penny, elle connaît rien à la physique, elle connaît rien à l'astronomie, elle connaît rien à tout, même les jeux électroniques. En fait, c'est un univers qui est pour elle complètement inconnu. Elle arrive là. Et quelque part, elle a envie de les comprendre. Et moi, ça, c'est déjà quelque chose que je trouve très beau chez elle. Elle a cette bienveillance, elle a ce regard, elle les accepte tels qu'ils sont, et elle va essayer de les comprendre. Donc pour moi, en fait, c'est une ethnologue qui ne sait pas qu'elle est ethnologue. Et elle arrive dans cet univers, et c'est elle qui nous donne le fil pour aller décrypter chacun des personnages. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que même si on parle de fois de choses de science qu'on ne comprend pas, ça passe. Parce que, en fait, ça passe par l'œil de Penny, et en fait, le téléspectateur est mis dans cette position-là. Et Delphine de Freitas, c'est vrai que le personnage de Penny, vit presque une autre série, vit dans une autre série en parallèle, parce que on vous présente des nerds et des geeks entre eux en disant ce sont des marginaux, mais finalement eux ils ont une vie sociale très épanouie, ils ont une situation professionnelle quand même réussie, gagnent bien leur vie, et on a Penny qui arrive avec des rêves de comédien et de comédienne qu'elle n'arrivera pas à assouvir, des problématiques liées à l'argent, elle travaille au Cheesecake Factory. On a l'impression que quand on regarde Big Bang Theory, le Big Bang Theory de Penny est beaucoup plus tragique et beaucoup plus socialement ancré que celui des garçons. C'est un peu plus sombre ce qui lui arrive. Elle arrive de son Nebraska natal avec ses rêves d'actrice et de carrière. Elle va tourner en 12 saisons dans un pauvre film dans lequel elle est déguisée en singe ou en gorille. Et c'est à peu près tout ce qu'elle fera. Après, elle va se réinventer au fur et à mesure. Et il y a un changement au début de la saison 8 qui est symbolisé, ça va paraître peut-être un peu bizarre, mais par le changement de coupe de cheveux de Kelly Cuoco. Parce que Kelly Cuoco, au début de saison 8, elle arrive... à la production, et elle a une coupe pixie, une coupe très très courte, alors que on savait que Penny c'était le stéréotype de la blonde, les cheveux très longs, un peu bimbo. Et donc ce changement, les scénaristes en ont joué en disant non mais attends, mais Sheldon s'il me voit avec les cheveux courts, ça va pas, il va péter un câble, ça va pas aller du tout. Et en fait ça symbolise aussi un changement pour Penny, qui à ce moment-là a mis ses rêves de côté et va commencer à travailler avec Bernadette au sein de l'industrie pharmaceutique. Donc il y a tout un parcours de Penny qui est très difficile par rapport aux autres. Et pour moi, la tragédie de Penny, c'est vraiment le final, ce que les scénaristes lui ont réservé. Attention, je préviens. Je préviens. Si jamais vous voulez regarder la série, allez-vous-en. Loin. Allez, je vous laisse. Excusez-moi, c'est le moment. Quelques secondes pour courir. Loin. Faites le deuil de cette émission. Vous reviendrez un peu plus tard. Pensez pour vous êtes parti. C'est bon. Allez-y. C'est le moment spoiler. À la fin, donc, Penny apprend qu'elle est enceinte de Léonard, sauf que ça faisait 12 ans que Penny nous disait qu'elle ne voulait pas d'enfant. Donc, c'est là qu'on se dit que la série est écrite par des hommes. Et parce qu'il n'est pas concevable qu'elle ne puisse pas vouloir d'enfant et ne pas en avoir, tout simplement. Voilà. Pour Hollywood, le monde des séries, elle est mariée. Donc forcément, l'étape d'après, c'est avoir un enfant. Même si le personnage rabâche qu'il n'a pas envie d'avoir d'enfant, une femme qui ne veut pas d'enfant, ça passe toujours pas à l'écran. Et ce qui est étrange dans l'évolution du personnage de Penny dans Big Bang Theory, c'est que cette évolution est aussi incarnée par Kelly Coco dans son statut d'actrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a repris en main la voix de Harley Quinn dans une très très bonne série complètement irrévérencieuse, destinée vraiment au public adulte. Harley Quinn qui est elle aussi le symbole d'une émancipation par rapport à un homme, le Joker et tout ça. Mmh. Et donc en fait, on a l'impression que Kelly Coco se spécialise désormais dans les personnages féminins qui disent « Vous savez quoi je suis plus qu'une blonde... qui dépend de tel ou tel mec, j'ai aussi une forme de liberté. » Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est ça qui m'a intéressé dans Big Bang Theory et qui, à mon avis, a peut-être fait aussi qu'on a retenu cette série plus que les autres parmi les sitcoms réussis, c'est que elle a su muter et devenir une série collégiale avec deux autres personnages féminins qui ont aussi énormément de personnalité. Ouais, alors Bernadette, du coup, et Amy, elles arrivent en saison 3. Bernadette en milieu de saison 3, Amy dans le tout dernier épisode. Mais là encore, il va falloir un peu de temps pour que ces deux personnages féminins soient ajoutés au générique. Elles arriveront au générique que 3 saisons plus tard. Donc ça met un petit peu le temps. Et comme on le disait dans le Magnéto tout à l'heure, elles arrivent en tant que love interest de nos personnages. Bernadette pour Howard et Amy pour Sheldon. Donc forcément, on se dit Sheldon avec une femme... Qu'est-ce que c'est que ce truc qui nous prépare tous les deux? Et en fait, ces deux personnages, avec Penny, elles vont constituer leur propre groupe. Ça va être un petit peu les filles contre les garçons. Mais elles aussi, elles vont faire leur bout de chemin ensemble. Elles aussi, elles vont évoluer. Bernadette, elle va avoir 2 grossesses pendant la série. Il y a des interrogations sur le rôle de la femme enceinte, au travail, comment ça se passe avec le poste que j'ai. Ces 3 personnages-là vont amener des réflexions qui n'auraient peut-être pas existé s'il n'y avait eu que Penny comme personnage féminin. Alors, on arrive bientôt au terminus de notre émission, mais avant cela, Djoubaka, notre programmateur musical, m'a fait découvrir une artiste qui ne va pas tarder à devenir ma chanteuse préférée cet été. On écoute Améthyste Kia avec Black Myself. C'était Améthyste Kia dans Blockbuster sur France Inter. Bernadette, truth or dare? Bernadette, action ou vérité? Truth. Vérité. All right. To what temperature must you heat beef? À quelle température doit-on cuire le bœuf afin de tuer le prion qui provoque la terrible maladie de la vache folle? Remember, you have to answer honestly. Tu dois répondre franchement. Amy, le but du jeu, c'est de lui poser une question gênante ou personnelle. All right. Je vois. What is the circumference of your areola? Quelle est la circonférence de tes aréoles? Sylvain Trinel, avec Delphine de Freitas, on parlait justement du temps qu'avaient mis les actrices à apparaître au générique, mais même en coulisses, au niveau des salaires, il y a eu des luttes de haute volée pour qu'elles soient payées comme les garçons. Oui, effectivement, il y a eu pas mal de temps où les acteurs se sont, en tout cas les acteurs principaux, se sont ligués contre CBS pour faire en sorte que tout le monde soit payé au même tarif. Les acteurs sont même arrivés à baisser leur salaire pour faire en sorte que tout le monde soit bien payé. C'est vrai que c'est quelque chose que CBS a souvent été mis sur le devant de la scène, c'est sur la manière dont ils payent ses actrices. CBS, c'est une chaîne qui est conservatrice, qui est généralement regardée par des hommes ou des femmes assez âgées. Et de fait, ils ont tendance, on va dire, à rester un peu, j'allais dire vieille France, mais non, plutôt vieille Amérique. De vieux schémas. Et clairement, il y avait un vrai problème de ce côté-là. Ça a fait la une de tous les journaux parce que c'était à l'époque où la série faisait 18-19 millions de téléspectateurs, voire même plus. Donc, il y avait un vrai malaise, alors même que ces personnages étaient autant importants, si ce n'est parfois plus selon les épisodes, que les personnages principaux originaux. Oui, d'ailleurs, le casting féminin, sur la totalité de la série, est même des fois plus mis en valeur que Raj. Raj, des fois, est beaucoup plus discret que Amy, une fois qu'elle est arrivée. Et alors, il y a évidemment cette dimension de disparité salariale et justement on arrive très vite à des débats politiques et Jean-Philippe Usan, vous me disiez que justement la politique c'était ce qui manquait dans cette description des scientifiques que vous connaissez personnellement et qui sont en général beaucoup plus politisés que ce que l'on voit dans la série. Oui, en fait, il manque leur relation au monde réel. C'est-à-dire que même si on est un scientifique, on vit dans la même société que tout le monde, on est passé par les mêmes écoles, donc on a vu aussi le quotidien des gens, on a eu des camarades qui ont fait différents types d'études. Et surtout, on vit dans un monde où régulièrement, il y a des annonces, surtout ces derniers temps, sur les réformes de la recherche, de l'enseignement supérieur, la situation des étudiants. Et eux, en fait, on n'arrive pas à les situer. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à savoir exactement quel est leur statut. Est-ce qu'ils sont étudiantes? Est-ce qu'ils sont post-doctorants? Donc, ça veut dire avec un contrat qui serait un CDD, qui est renouvelable en général tous les 2 ou 3 ans. Est-ce que c'est aux États-Unis, est-ce qu'ils sont sur une position qu'on appelle tenure, c'est-à-dire ils sont engagés pour une université pendant 4-5 ans, le temps de faire leurs preuves avant d'avoir une position permanente? Est-ce qu'ils sont déjà professeurs? En fait, quand vous êtes dans ce jeu de lois ou de petits chevaux en fait académiques, tous les 2 ans, vous devez trouver un nouvel emploi dans une autre université. Vous faites beaucoup de demandes de financement parce que sans ces demandes de financement et ces projets, vous ne pouvez pas travailler. Donc en fait, pour eux, tout ce monde matériel a complètement disparu. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions si on est entre collègues. Bien sûr, on va discuter de science, mais ça, la science, elle évolue assez lentement finalement. Donc c'est assez agréable. On a notre temps. Mais de savoir comment est-ce qu'on va financer nos étudiants, comment est-ce qu'on va financer la recherche, quand on a des étudiants qui veulent revenir en France. En fait, tout ce côté humain de notre métier, en fait, est passé complètement à la trappe dans la série. Et je trouve que ça manque, c'est-à-dire que c'est quand même à une époque où il y a eu beaucoup, surtout aux États-Unis, puis maintenant en France, de réformes de la façon de faire de la recherche avec des situations de plus en plus précaires. Eux, ils sont dans un monde où, en fait, ils ont leur salaire, ils sont bien payés, ils ont des positions permanentes et apparemment, ils ont de l'argent pour faire leur recherche. Et on les envoie même sur la Lune. Enfin, oui, donc ils vont faire des trucs assez extraordinaires, ils vont partir dans des missions, mais si vous voulez monter une mission de terrain, eh bien, il va falloir trouver les financements pour ça. Si vous voulez faire une expérience, il va falloir trouver les financements pour ça. Et ça vous prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai que la politique... Et on en revient au contraste avec Penny qui, elle... Elle est dans le concret. Voilà, elle est dans ce monde concret. Elle travaille pour pouvoir survivre, payer son loyer, être indépendant financièrement. Et eux, en fait, quelque part, simplement parce qu'ils sont quelque part intelligents. On nous donne leur QI, c'est aussi un truc assez extraordinaire. Moi, je connais le QI d'aucun chercheur, et même pas le mien. Donc, c'est un truc qui est complètement inopérant. C'est-à-dire que il y a deux choses, c'est cette capacité intellectuelle qu'on pourrait avoir, donc théorique, et ce qu'on en fait. Et c'est vrai que quand on voit les profils de tous les chercheurs, il y a des gens qui sont arrivés par des voies détournées, il y a eu des accidents. C'est pas toujours les meilleurs, les gens les plus intelligents qui font les plus grandes découvertes. Enfin, il y a tous les sept aspects. Là, c'est un petit peu, on a tout ramené, en fait, à des stéréotypes assez simple en fait. QI, Sheldon serait l'homme le plus intelligent du 21e siècle, c'est possible. Non, il y a un moment quand même, Stephen Hawking lui trouve une erreur dans son manuscrit, donc voilà. Voilà. Oui, et d'ailleurs, parlons rapidement des guests qui sont passés dans cette série. Donc il y a Stephen Hawking, mais il y a aussi Elon Musk, ouais. Mark Hamill, James Earl Jones, Stan Lee. Bill Gates aussi. Oui, Bill Gates. Il y avait aussi une sorte de validation de la pop culture et même de je dirais des grosses GAFA et hégémoniques à passer dans Big Bang Theory pour dire vous avez vu on est quand même dans votre univers les Jones, continuez d'acheter nos produits. Il y avait aussi un petit peu de ça. Ah bah quand on fait plus de 20 millions de téléspectateurs, effectivement on essaye de passer ces dirigeants dans la série, ça c'est une évidence. Mais il y a aussi eu voilà Katy Tchekov de Battlestar Galactica qui a longtemps été dans les dialogues de la série et qui a fini par arriver, par apparaître dans un bain imaginé, je crois, par Léonard dans mes souvenirs. Et là aussi, c'était un peu une consécration. Oui. Voilà, je crois que c'est Blizzard Entertainment qui avait fait de la publicité à travers la série pour son jeu. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Delphine de Freitas, Sylvain Trinel, Jean-Philippe Uzan et Ali Rebehi, hein, qu'on salue au téléphone. Merci d'avoir été dans Blockbuster pour parler de Big Bang Theory. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, je le rappelle, c'est votre répondeur, et également Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Just come with me to Rogers. Viens avec moi chez Raj. Well, I don't want to go to a party. J'ai pas envie d'aller à une soirée. It's not a party, it's the same group of c'est people. C'est pas une soirée, c'est le même groupe de gens qui vient ici, qui sera chez lui. I'm sorry, but five people. Je suis désolé, mais cinq personnes qui mangent et discutent, c'est une soirée. How come it's not a party? Pourquoi ce serait pas une soirée quand on le fait ici? Because we don't. Parce qu'on n'organise pas de soirée. Lundi dans Blockbuster. Deux hommes apparemment très différents. L'un a beaucoup trop de cheveux, l'autre n'en a presque plus. L'un est suicidaire, l'autre est noir aux États-Unis, donc suicidaire aussi. Un film qui fait travailler des seigneurs qui n'ont pas assez cotisé pour partir à la retraite. La vérité, c'est que Dieu me déteste. Eh ben, fais comme moi, rends-lui la monnaie. Une époque où, quand on disait que Mel Gibson se tirait une balle dans le pied, on parlait d'un film, pas de ses propos antisémites. Lundi, c'est l'arme fatale. France Inter.